Hello and welcome, bonjour, c'est Eric Cooper et comme chaque semaine, je débarque dans votre radio avec La Croisière Folk. C'est une émission, La Croisière Folk, qui a pour but de vous faire découvrir toutes les facettes de la musique folk. Je voudrais vous rappeler que nous avons une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk et si vous allez sur Mixcloud, sur le compte La Croisière Folk, eh bien vous aurez le plaisir de réécouter cette émission. We have a Facebook page, so don't hesitate to visit this page, the Facebook page La Croisière Folk, and to like also the page, and through this page you can communicate with me. Voilà, je voulais quand même aussi vous raconter, vous dire que au travers de la page Facebook La Croisière Folk, vous pouvez nous envoyer des petits messages. Donc si vous venez de sortir un album par exemple, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un lien. Comme ça, je pourrai éventuellement sélectionner les chansons de cet album absolument gratuitement pour cette émission. Et on a démarré avec The Tannhill Weaver, The Asturian Session. C'est un groupe écossais qui a été créé en 81. On va poursuivre avec The Bellamy Brothers, Dream, The Dream. Ensuite, Tempest avec Whiskey in the Jar. Alors Tempest, c'est un groupe celtique américain et la chanson Celtic in the Jar, eh bien, elle a été interprétée live sur KLCC, c'est une radio américaine, en juillet 95, en juillet 95. Et c'est extrait d'un triple CD qui est sorti en 2004 pour célébrer leurs 15 ans d'existence. Et il y aura aussi Lisa Bastoni avec Rabbit Hole, c'est-à-dire un terrier de lapin. Et là, c'est extrait de son album Wishing Hour. L'album date de 2017. Allez, stop blabla, c'est parti pour la musique. The best music. I was just a boy, I was walking through town. Saw a man playing a guitar and I heard that sound. And I told my mama, that's where I'm bound. She said, son, go dream the dream. When I turned 16, I met Sally at school. Her sweet young body made me shake like a fool. I didn't have to ask daddy, he said, boy, just be cool and go on. Dream, dream. Just seen the best thing that you've ever seen. Don't even think about it. Just dream the dream. So I got me that guitar and the sweetest little girl. Got a tiger by the tail out there shaking up this world. When we walk down the street, you know the flags unfurl. I said, come on girl, let's dream the dream. And I got a little older, priorities change. Seem like the sun never shines unless it's followed by rain. So I try to help some folks by feeling their pain. And I told them, go dream the dream. Dream the dream. Dream the dream. You just seen the best thing that you've ever seen. Don't even think about it. Just dream the dream. Now I'm singing and playing on that stage every night. Me and Sally, you know we're doing more than alright. And I can hear her whisper when we turn out the lights. She says, darling, let's dream the dream. Dream the dream. Dream. You just seen the best thing that you've ever seen. Don't even think about it. Just dream the dream. Dream the dream. Can make life better than it's ever seen. Hold the people that you love. Just dream the dream. Dream the dream. Dream the dream. You just seen the best thing that you've ever seen. Don't even think about it. Just dream the dream. Dream the dream. Dream the dream. You just seen the best thing that you've ever seen. Don't even think about it. Just dream the dream. Dream the dream. Dream the dream. You've just seen the best thing that you've ever seen. Don't even think about it. A Tempest! From the Bay Area and all over the world. Norway, Cuba, all the United States. Take their CDs home with you. We got a bunch of them at the country store. You like that stuff? The Celtic rock? You look like you're having a good time. Want a little more? Want a lot more? I can't hear you. Tempest! Okay, we're going to do an Irish song for you. This one is called Whiskey in the Jar. And thanks again for having us. Thank you so much. As I was going over the girl country mountains, I spied Captain Farrell, and as the money he was counting, first I drew my pistol, and then I drew my rapier, saying, stand and deliver, for I am a believer, a sure empty of death. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Counted out his money, it made a pretty penny. I put it in my pocket to take home to darling Jenny. She's saying that she swore that she never would deceive me. But the devil takes that woman, for she always lies so easy. A sure ended up there. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Being drunk and weary, I went into my chambers, taking Jenny with me, and I never knew the danger. But early in the morning, before I rose to trouble, in walked Captain Farrell, and a prisoner I was taken. But sure I kept it after. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Takes a light in the carriages are rolling. Others take a light in the hurling and the bowling. But me, I take a light in the cheese and the barley, courting pretty maidens in the morning. I so early, I sure am empty after. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Felt the warmth of California riding on the breeze, and I thought of you for the first time in what felt like centuries. And I don't even have your number now, but even if I did, I know I knew it by heart back when we were kids. If I had any feelings left for you, I'd keep them hid, 'cause I moved on and on and on. And there'll be no walk down memory lane, there'll be no midnight call for old time's sake, and I'm not slipping down that rabbit. Were we singing in the streets somewhere in Spain? Were we laughing in the hotel shower, running out of change? If that was really you and me, I don't know, I couldn't say. And don't you think that's strange? And the last time at the airport, you had your dark sunglasses on. I flew home to my mother's house and wrote you a song. And then I picked myself up, called a bus back to Boston, and I moved on and on and on. And there'll be no walk down memory lane. By chance you cross my mind, it's only by mistake. It's like that old jean jacket that you lost in the lake. We couldn't see it at the bottom, we might assume that it's still there. Either way, I'm sure by now you got yourself a new coat to wear. But oh, how I loved you with an unprotected heart, and how you wide open when you busted it apart. That was the best thing that you did. I can see that now. All I know is I moved on, although I don't remember how. There'll be no walk down memory lane. There'll be no midnight call for old time's sake. And I'm not slipping juste à l'instant dans vos oreilles, Lisa Bastoni, c'est de l'Americana. Rabbit Hole, c'est la chanson que nous écoutions. Et tout de suite, je vous propose la chronique qui vous permet de découvrir en trois chansons un album. C'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. You are listening to the best radio station in town. Aujourd'hui, dans 1, 2, 3, on découvre l'album de Crandall Creek, Headed South, l'album sorti en 2020. Crandall Creek, pour un peu vous les présenter, c'est un groupe de bluegrass basé à Moundsville, c'est en Virginie occidentale. Ils jouent un mélange de folk, de country acoustique et de gospel, influencé par la musique des Appalaches. Ce sont des histoires d'amour perdu, d'amour de la famille, d'amour de Dieu que l'on retrouve sur cet album que je vais vous présenter, donc de Crandall Creek, Headed South. Le CD se compose de 11 chansons et il met en valeur le talent du groupe pour raconter des histoires appalachiennes à travers des chansons bluegrass. L'album a mis du temps à arriver, hein, déclare Jerry Andrews, qui est le fondateur de Crandall Creek, mais il est vraiment enthousiasmé par chacune de ses chansons, ce qui n'est pas mal dans le fond. Il faut savoir que plusieurs des chansons de Headed South, donc de cet album, ont fait le tour des charts bluegrass en 2020. Par exemple, Driving Me Insane est sorti en mars et est resté dans les charts pendant plus de 6 mois. This Heart of Mine a débuté à la première place en mai. The Bean Song, c'est-à-dire la chanson du haricot, est sortie à l'automne. Et en novembre, The Bean Song et Driving Me Insane sont dans le top 10 du classement bluegrass Today. Crandall Creek, c'est utile à le préciser, donc le groupe fait également des dons à des organisations caritatives. Et que allons-nous écouter donc de cet album Headed South? Eh bien, Driving Me Insane, The Bean Song, la chanson du haricot et This Heart of Mine. C'est parti. Train, train, train, you're driving me insane. Train, train, train, you're driving me insane. Train, train, train, you're driving me insane. Train, train, train, you're driving me insane. My baby's on the third car back, I'm getting on a plane. He said that he would leave here and never would return. He's sitting on the third car back, my heart it starts to burn. Train, train, why don't you stay away? Pass right by the station, come back another day. I can't take the heartache and I can't stand the pain. Blow right by the station, you're driving me insane. Tell the brakeman you're headed down the line. No need to spin that brake wheel, just keep on making time. Just keep on making time. Baby back along with all the pain. I just left the station, I don't know what to do. I'm a victim of a cold, cold heart. How can you be so cruel? Train, you're driving me insane. Train, train, train, you're driving me insane. Train, train, train, you're driving me insane. Another day of fighting traffic. It's a battle we can't win. And here in our apartment, the walls are closing in. There are bills upon the counter. Even overtime won't pay. The lawn is just a sidewalk. There's gotta be a better way. Give me a patch of beans and a little corn, red ripe tomatoes, work jeans that are well worn, dirt beneath my fingernails and muscles that are sore. Baby, I know what ails us can be cured with beans and a little corn. We don't need 40 acres, just a garden in the yard, a front porch with a porch swing, and room to see the stars. We'll build a little greenhouse, we don't really need a barn. Nothing grows in asphalt, let's go back to who we are. You know the city life we're living doesn't suit us anymore. Even walls of steel and concrete can't keep the wolf from our door. Give me a patch of beans and a little corn, red ripe tomatoes, work jeans that are well worn, dirt beneath my fingernails and muscles that are sore. Baby, I know what ails us can be cured with beans and a little corn. A patch of beans. this heart of mine sees you coming, knows it's breaking every time. See these tears tracking down my face, falling down, filling up an empty space. I'm sliding down, sinking low, not sure if I want to know. When I what could have been, I'd give my life if I could do it all again. Time goes on, never looking back, with broken dreams and hopes mixed in with this and that. I'm sliding down, sinking low, not sure if I want to know. Quatrième album que je vous fais découvrir depuis que l'émission existe, et aujourd'hui c'est l'album de Crandall Creek, ce groupe de bluegrass. Ils ont sorti Headed South en 2020. Vous avez pu entendre, pour votre plaisir je l'espère, Driving Me Insane, The Bean Song et This Heart of Mine. Vous avez envie d'aller au cinéma. Moi je vais vous conseiller un film en japonais, mais attention, pas n'importe quel film. C'est le film du réalisateur français Arthur Harari, Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. C'est l'histoire d'un soldat qui, après la guerre, est resté 30 ans parce qu'on ne lui avait pas dit, on lui avait dit « tu vas continuer à te battre ». Et malgré que la guerre était finie, lui, il est resté dans la jungle. Et ce film raconte son histoire. Alors, j'ai demandé à Arthur Harari s'il avait lu le livre, puisque sachez qu'il y a eu une biographie qui raconte donc l'histoire du soldat Onoda. Je vous propose d'écouter un extrait donc de l'interview que Arthur Harari m'a donné et que vous pouvez retrouver dans les interviews d'Eric Cooper qu'on retrouve un petit peu partout, sur SoundCloud, sur Mixcloud, sur Spotify, dans plein d'endroits différents. Oui, j'ai lu ce livre, mais après avoir écrit le scénario, je l'ai lu avant le tournage, mais il n'existait pas en français à l'époque. Maintenant il a été traduit, mais je l'ai lu en anglais. Mais tardivement, j'avais déjà tout écrit. Avant de vous lancer dans le scénario, est-ce que vous aviez une connaissance de la culture japonaise ou du cinéma japonais ? Du cinéma japonais, oui, mais de la culture japonaise, en dehors de mon rapport au cinéma qui était très fort à travers quelques réalisateurs et quelques mangas aussi. Je suis un lecteur de mangas, mais d'un type de manga assez particulier, des mangas réalistes, des mangas intimistes. Autobiographique notamment. Je ne connaissais pas le Japon, j'avais jamais été, je n'avais jamais lu un livre, un roman japonais, enfin je n'avais pas de rapport particulier au Japon. Après après avoir réalisé ce film, est-ce que ça vous donne envie d'aller visiter le Japon ? Alors j'y ai été, hein, pour les besoins du casting, du tournage, etc. J'y ai été plusieurs fois et c'est un pays qui maintenant me passionne et où j'ai des amis maintenant qui m'ont aidé et les acteurs qui sont devenus aussi des gens importants pour moi. Donc oui, j'ai un intérêt maintenant très très fort pour le Japon. Ouais. Est-ce que le scénario... Est-ce qu'il a été écrit avec l'idée qu'il devait être traduit en japonais ? Ben, disons, c'était une évidence qu'il allait l'être, mais je l'ai un peu oublié au moment où je me suis mis à écrire, et notamment à écrire les dialogues. J'avais besoin de m'approprier ces personnages et ces situations, donc j'ai fait un peu comme si il parlait français, ou comme si moi j'étais un japonais qui parlait français. Enfin, c'était un drôle d'entre-deux, comme ça. Pendant la première partie de l'écriture du scénario. Ouais. Ne manquez pas ce film, donc Onoda, 10 000 nuits dans la jungle du réalisateur français Arthur Harari. Si vous voulez le découvrir, Arthur, eh bien, Harari, on ne se tutoie pas encore, eh bien, n'hésitez pas à rechercher la plateforme Les Interviews d'Eric Cooper, un petit peu partout, SoundCloud, Mixcloud, Radioline, Google Podcast, Spotify aussi, et vous pourrez le découvrir un petit peu mieux. Allez, on poursuit avec d'abord en Italie Filippo Gambetta, Carmelo Russo et Sergio Caputo qui vont nous chanter l'histoire du nid de perroquet. Voilà, j'avais un The Parrot, oui, c'est un perroquet. Ensuite, Clarisse Lavanan qui nous fait une petite confidence. Je dors toute seule. Oui, mais dans le fond, c'est pas une mauvaise idée de dormir tout seul, parce que si vous dormez avec quelqu'un qui ronfle, bien cet extrait de son album L'encre à rêver, elle est bretonne et ça date de 2014 cet album, album que je vous suggère. Et puis il y aura Brooms, la chanson d'Otavayo, c'est des Russes, extrait de leur album Do You Love. C'est un album que je vous ai présenté d'ailleurs dans 1, 2, 3, l'album Do You Love qui date de 2019. Thank you. importe où vous vivez ou qui vous êtes, chacun d'entre nous peut contribuer à briser les chaînes de transmission de COVID-19. Chaque pays ou zone a ses propres niveaux de transmission, ressources et recommandations, et la situation peut changer rapidement. La pandémie de COVID-19 a changé notre façon de vivre, de travailler et d'entrer en contact avec les autres. C'est un défi. Assurez-vous de suivre les directives de votre région. Ce message vous est transmis par l'UNESCO, l'OMS et votre radio locale. Seule avec la nuit, juste à côté de ma vie. Quand j'ai envie d'arrêter le silence, je lui fais des confidences qui partagent ton sommeil, qui te sourit lorsque tu t'éveilles. Au creux d'un lit désormais immense, je dors avec ton absence. Je dors toute seule, toute seule. Je dors blottie contre le mur. Je ressasse mes souvenirs et mes blessures et toutes mes peurs qui me font laisser, oh, oh, oh, la lumière allumée. Seule, la seule avec mon cœur, je suis des yeux le tour des heures. Toute seule dans un lit à deux places, c'est le vide qui prend toute la place. Et toute seule, je dors toute seule, tous les soirs entre les bras des insomnies qui veillent sur moi. J'attends le jour, je t'attends parfois, ah, ah, ah, mais les rêves, ça prend froid. Et toute seule contre ma peau, je dors en hiver même quand il fait chaud. Seule dans ce lit sans amour, avec personne à qui dire bonjour. No matter where you live or who you are, each of us can help to break the chains of COVID-19 transmission. Each country or area has its own levels of transmission, resources and recommendations, and the situation can change rapidly. The COVID-19 pandemic has changed the way we live, work and connect with others. It is challenging. Make sure you follow your local guidance. This message is brought to you by UNESCO, WHO and your local radio station. Продавали, в Москву отправляли и там продавали. давай, и все пробивай, и все, и все, и все пробивай, и все, и все, и все пробивай, и все пробивали, в деревню езжали, и все пробивали, в деревню езжали, в деревню, в деревню, в деревню езжали, в деревню, в деревню, в деревню езжали. Ой, дари, дари, дари, дари, дари, ой, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, вязали, в деревню езжали, метелки вязали, метел, метел, метелки вязали, метел, метел, метелки вязали, метелки вязали, в Москву отправляли, метелки вязали, в Москву отправляли, в Москву, в Москву, в Москву отправляли, в Москву, в Москву, в Москву отправляли, в Москву отправляли, и там продавали, в Москву отправляли, и там продавали, и там, и там продавали, и там, и там, и там продавали, и там продавали, и все пробивали. И там продавали, и все пропивали, и все, и все, и все пропивали, и все, и все, и все пропивали. Все пропивали, в деревню езжали, в деревню, в деревню езжали, в деревню, в деревню езжали. Ой, дари, дари, дари, дари, дари, ой, дари, дари, дари, дари, дари, ой, дари, дари, дари, дари, дари, ой, дари, дари, дари, дари, дари, ой, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари. Otavayo à l'instant avec Brooms. N'hésitez pas à les rechercher sur YouTube. Hein. Ce sont des vidéos, lorsqu'ils les postent, qui font plusieurs dizaines de millions de vues. Comme quoi le folk, c'est une excellente musique qui est quand même pas mal suivie. Marion Charles, est-ce que vous la connaissez? Eh bien, sachez que c'est une future institutrice et elle vient de publier un premier roman qui s'appelle Un collègue presque parfait, publié aux éditions Le Lys Bleu. C'est une maison d'édition française. Vous pouvez d'ailleurs savoir un petit peu ce qu'ils publient si vous allez sur leur site lysbleuédition.com. Et moi, je vous propose d'écouter un extrait de l'interview que j'ai faite de Marion Charles. On a fait ça à Charleroi, au Quai 10. C'est très chouette parce que, en fait, le Quai 10, il y a un café au-dessus. Et puis il y a un cinéma aussi. Charleroi, qui est une ville qui a beaucoup évolué. Si un jour vous venez en Belgique, n'hésitez pas à visiter. Même si vous habitez la Belgique, n'hésitez pas. Charleroi, c'est très chouette. Les gens sont très, très chaleureux. Et donc, Marion Charles, on revient vers elle. Elle se présente un peu à nous. Je rappelle donc le titre de son premier roman. Donc, c'est une jeune écrivaine belge, hein, Un collègue presque parfait, donc publié aux éditions Le Lys Bleu. Tout de suite, on écoute Marion Charles. Je m'appelle Charles Marion. Je suis une jeune étudiante en études institutrices primaires. Et c'est mon premier roman dont je suis très fière. Alors, quel était le déclic qui a fait qu'un jour, vous avez démarré l'écriture donc, de votre roman « Un collègue presque parfait » ? J'ai toujours eu envie d'écrire depuis toute petite. Et alors, ce livre, un jour, je me suis mise sur une plateforme en ligne et j'ai commencé à écrire tout simplement ce qui me passait par la tête, un petit peu en fonction de ce que j'avais vu comme film, de ce que j'avais pu lire comme livre également. Et voilà, j'ai écrit un petit peu des choses qui me plaisaient et « Le collègue presque parfait » est né. Vous dites une plateforme en ligne, ça veut dire que c'est une plateforme qui vous aide un petit peu à écrire un roman ? En fait, c'est une plateforme où on peut poster nos livres. Donc, on écrit par chapitre et on poste des chapitres. Et alors, les gens peuvent venir lire notre chapitre, le commenter ou l'aimer. Et donc, je postais à peu près chaque semaine. Puis, j'ai un peu abandonné. Et quand j'ai vu que les gens, justement, revenaient vers moi pour savoir la suite, je l'ai continué. Et au final, j'ai bien fait. Combien de temps ça vous a pris pour finir, donc depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à l'écriture de la dernière ligne pour finir ce roman ? Alors ça m'a pris 2 voire 3 ans car je faisais beaucoup de pauses et alors avec l'école c'était pas évident mais je dirais quand même 2 bonnes années, oui. Est-ce que vous lisez beaucoup ? Avant je lisais beaucoup, maintenant j'ai un peu moins le temps mais j'adore toujours autant lire. On entend dire dans le public que les jeunes ne lisent plus. Vous êtes jeune, vous écrivez. Est-ce que votre public, c'est plutôt un public de votre âge ou un public plus âgé ? Mon public, je pense qu'il varie en fait parce que j'ai d'abord la famille aussi qui lit et donc j'ai des personnes un peu plus âgées dans ma famille qui ont bien aimé, autour de la 50-60. Et alors j'ai des gens plus jeunes, évidemment, plus dans mes amis qui ont lu le livre. Donc je pense que le livre est adapté à tous les âges. Merci Marion Charles. Je rappelle donc le titre « Un collègue presque parfait ». Publié aux éditions Le Lys Bleu, lysbleuedition.com. Tout de suite, Francis Cabrel. C'est étonnant, vous allez me dire, qu'on écoute du Francis Cabrel dans une émission de folk, mais en fait, il y a un côté country acoustique que j'aime bien et que je trouve qui collait bien à la programmation. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire ce que vous en pensez. On écoutera L'encre de tes yeux, extrait de l'album Fragile en 1980. Jal, ensuite, avec La dérive des incontinents, Trabal, c'est le nom de l'album d'où est extraite cette chanson, il date de 2002. Ensuite, Balamouk avec Kizandana, ce qui veut dire dans le donjon, extrait de l'album Yedi Kedi de 2021. Ce nom d'album signifie en turc 7 chats, ce qui fait référence en fait au fait qu'il y a 7 membres dans ce groupe Balamouk, ainsi qu'au studio d'enregistrement One Cat de Londres où Yedi Kedi a été enregistré. Et cette chanson Kizandana, c'est une chanson gitane macédonienne avec des paroles romanes sombres, racontant l'histoire d'une mère enfermée dans un donjon priant pour ses enfants. Les paroles sombres sont juxtaposées par une mélodie d'une beauté provocante et transportées dans le monde féerique du donjon par un solo de clarinette obsédant. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. Dans mes rêves, tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Et si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux,

y est, c'est fini. Yedi Kedi, 2021, c'est le nom de l'album de Balamouk. Kizandana, c'est le morceau qu'on écoutait. Moi, franchement, si vous avez l'occasion de mettre la main sur cet album, vous n'allez pas être déçu. Et nous allons terminer avec un groupe français, La Bamboche, qui nous chante « Nous irons en France ». C'est extrait de « La saison des amours », un album de 78, donc 78. C'est un album qui marque vraiment l'évolution du groupe vers un folk électrifié qui se rapproche de celui de Malicorne. La Flandre, allez-y, hein, si vous avez l'occasion de visiter la Flandre, c'est toujours très chouette. Moi, je vous quitte. Je ne vais pas visiter la Flandre, mais je vais déjà vous préparer l'émission de la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Je rappelle à tout hasard la page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. Don't forget to like our Facebook page La Croisière Folk. Voilà, comme ça, j'ai touché toute l'audience internationale de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Que la force soit avec vous. Et puis, à très bientôt. I'll be back. Ils sont bien récoltés, ils sont dedans la plaine, on les voit plus aller. Tes moutons, ma bergère, ils sont bien récoltés, ils sont dedans la plaine, on les voit plus aller. Mes moutons, ils marchent au courant de l'eau. Mon berger les rassemble au chant des oiseaux. Allons dans ma bergère, allons sous ces oraux. Nous parlerons d'amour à quelques petits mots. Allons dans ma bergère, allons sous ces oraux. Nous parlerons à quelques petits mots. Si l'amour vous presse, passez votre chemin. Ou bien gare à vos fesses, je vais lâcher mes chiens. Il faut pas les lâcher. Si ma part...